Dormeuses saisons, je vous aime et vous loue. D'envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau. D'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau. Brumes et pluies. Dans cette grande plaine où l'automne froid se joue, où par les longues nuits la girouette s'enroue, mon âme mieux qu'au temps du tiède renouveau ouvrira largement ses ailes de corbeau. Brumes et pluies. Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres, et sur qui dès longtemps descendent les frimas, au blafard de saison reine de nos climats. Que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres, si ce n'est pas un soir sans lune de deux. Brumes et pluies.